Vous êtes les bienvenus au nom de Jésus. Amen. We thank the Lord for bringing us together once again. Wir danken dem Herrn, dass er uns wieder einmal zusammengeführt hat. On remercie l'Éternel qui nous a réunis aujourd'hui ici. The message today we are going to be very similar to this to Sunday's own because of the language. Die Botschaft von heute wird der von Sonntag ähneln wegen der Sprache. Oui, à cause de notre interprétation, le message sera similaire de celui de dimanche. Most of what we are going to hear today, we also heard it on Sunday. Vieles, was wir heute hören. But because of the Dutch and the French, because on Sunday we only preach in English. Now, and those that are of Dutch and that of Francoisish, they are not, we want them to be getting it also, because most of them, they don't understand English. Mm-hmm. Und wir werden einiges von der Sonntagspredigt wiederholen, damit die Leute, die kein Deutsch, nee, die Leute, die kein Englisch verstehen, sondern nur auf Französisch und Deutsch angewiesen sind, das auch mitbekommen, was wir am Sonntag gepredigt haben. Mm. Vu que dimanche on prêche seulement en anglais, aujourd'hui on va un peu répéter ce qu'on avait prêché pour que les gens français puissent le comprendre. Praise the Lord. Hallelujah. We already have the message of today, but we have to hold on for others also to follow us. Amen. Wir haben die Botschaft von heute schon, aber wir werden dennoch langsam machen, für, damit die Leute uns auch nachfolgen können. Amen. Amen. Amen. We are going to go into a total submission. Es geht weiter mit dem Thema vollkommene Hingabe Christus Jesus gegenüber. Le thème d'aujourd'hui c'est la soumission totale envers Jésus-Christ. Amen. Amen. And last week we learned from the Lord that total submission to Him is not about I'm no longer lying, I'm no longer stealing. I'm no longer fornicating or killing. Letzte Woche haben wir gelernt, dass es vollkommene Hingabe nicht bedeutet, dass man nicht mehr lügt oder stiehlt oder betrügt oder tötet. La semaine passée, on avait compris que la soumission totale, ça ne signifie pas que tu te dis que je ne mens pas, je ne vole pas, je ne tue pas. C'est pas ça la soumission totale. It has nothing to do with any other sin that man calls sins. Es hat nichts zu tun mit den Dingen, die der Mensch Sünde nennt. Ça n'a rien à faire avec le péché en accord le monde. And also total submission is not about reading the Bible all the time, day and night. Vollkommene Hingabe bedeutet auch nicht die Bibel Tag und Nacht lesen. La soumission totale, ça signifie pas non plus de lire la Bible jour et nuit. The Bible said they always read and study, but they are never able to come to the truth. Die Bibel sagt, sie lesen immer und studieren, aber sie kommen nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. La Bible nous dit que il lit toujours la Bible, mais ils sont pas capables à comprendre la vérité de la Bible. Also, total submission is not about going to the church always or praying or paying your tax, your tithes and offering all the time. Ja, der vollkommene Hingabe bedeutet auch nicht, dass man zur Gemeinde gibt und wöchentlich oder monatlich gibt. La soumission totale, ça signifie pas que tu donnes tes offrandes ou bien l'action de grâce. C'est pas ça la soumission totale. That you are in the church does not make you a son of God. Dass du in der Kirche sitzt, macht dich nicht zum Sohn Gottes. Le fait de partir à l'église, ça ne fait pas de toi un fils de Dieu. The Lord needs your total submission. Der Herr braucht deine vollkommene Hingabe ihm gegenüber. L'Éternel a besoin de ta soumission totale envers lui. If you are in the church and you refuse to submit to Him, you are not different from those that are outside. Wenn du in der Kirche bist, aber dich nicht hingibst, dann bist du nicht anders als die Leute, die gar nicht hier drin sind. Si tu es à l'église, mais tu ne te soumets pas à l'Éternel, tu n'es pas différent des personnes, des païens. He's not looking for the hearer alone, mm-hmm. but the hearer and the doer of his own word. Er sucht nicht nur nach Hörern, sondern Hörern und Tätern von seinem eigenen Wort. Lui ne cherche pas seulement quelqu'un qui écoute sa parole, mais il a besoin de quelqu'un qui écoute et qui agit selon sa parole. Just like the book of James said. Genauso wie es in Jakobus steht. Juste comme il a écrit à Jacques. Praise the Lord. Amen. Amen. James 1 from verse 22. Jakobus 1 from 22. Jacques 1, verse 22. It says, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Amen? Amen. It's not hearing the word and listening to the word, but you are not the doer of any of the word. Or you are just the doer of some of the word. He wants you to obey all his words. Du sollst all sein Wort befolgen, nicht nur einiges. Du sollst nicht nur ein Hörer sein, sondern ein Täter des Wortes. Jacques 1, verset 22. Mais efforcez-vous de la mettre en pratique et ne vous contentez pas seulement de l'écouter. En vous abusant vous-même pas de la fausse raisonnement. Mais donc, pas seulement écouter la parole, mais aussi mettre en pratique. He wants you to surrender to him fully. Er möchte, dass du dich ihm vollkommen hingibst. Donc, il veut que tu puisses te soumettre totalement à lui. Don't pick and choose what you obey. Such dir nicht aus, was du befolgst. Donc, tu ne dois pas prendre, chercher de trier ce que tu veux suivre. Obey all. Befolge alles. Mais tu dois tout obéir. It means submit all to Christ Jesus. Das heißt, übergebe alles Jesus Christus. Donc, ça signifie que tu dois tout soumettre à Jésus-Christ. Submit the whole family, the natural family to Christ Jesus. Übergebe die ganze Familie, die natürliche Familie, Jesus Christus. Soumet toute ta famille, famille à Jésus-Christ. How? By choosing Christ and rejecting them. Indem man Christus wählt und sie verweigert. Et comment tu le fais? C'est quand tu choisis l'Éternel et que tu rejettes la chair. Praise the Lord. Amen. The book of put something here. Go to Joshua. Joshua. Praise the Lord. Hallelujah. Joshua 1. Joshua 1. Josué 1. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Just like he said to Joshua in Joshua 1, from verse 7. Joshua 1, verse 7, so hat er zu Joshua gesprochen. Josué 1, verse 7. He said, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all, not some. He said to all. Im ganzen Gesetz. Donc, fortifie-toi et bon courage et applique à agir selon toute la loi de Moïse. Donc, toute. And today is submitting everything to him. Und heute geht es darum, ihm alles zu übergeben. Et maintenant, dans notre nouveau, dans le nouveau, il s'agit de donner, de lui soumettre tout. Amen. Obéir. In Mark 10, he told that young man, he said, go and sell all that you have, all your possession, all. In Markus 10 hat er zum reichen Jüngling gesagt, before you can come to me. Er soll alles verkaufen, seinen ganzen Besitz, bevor er ihm nachfolgen kann. Et à Matthieu, il a dit à l'homme riche, il a dit, avant de venir vers moi, de m'accompagner, tu dois partir et tout vendre. Donc, tu dois vendre tous tes biens pour me suivre. Then, in that same chapter, Peter said, we surrendered all. Im gleichen Kapitel sagt Petrus, wir haben alles hingegeben. Et Pierre, dans le même chapitre, il a dit que on a tout donné. Amen. Amen. Check your life, what you are not surrendering, what you are not submitting to him today. Untersuche dein Leben, was du ihm nicht übergeben hast. Et cherche ta vie, qu'est-ce que tu n'as pas donné à l'Éternel. You know, he needs your total submission. Er braucht deine vollkommene Hingabe. Il a besoin de ta soumission totale. If we are seeing Joshua 1, in verse 7 again, Joshua 1, 7. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses, my servant, commanded thee. Turn not from it to the right or to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night. That thou may, it's all the time. You can see. Ständig sollst du darüber nachsinnen. Donc il dit qu'on doit méditer sur lui jour et nuit. Donc examiner notre vie et méditer dans sa dans la parole. Amen. Amen. That thou mayest observe to do according to all. You see there, all. Amen. You need your total submission. Il faut une vollkommene Hingabe. Donc on voit qu'il a vraiment besoin de notre soumission totale. Amen. Amen. Whatever you refuse to surrender to him, we take him, we take you away from him. Was immer du ihm nicht hingibst, wird dich von ihm wegnehmen. Tout ce que tu refuses de lui soumettre, ça va te t'arracher de lui. And here he helps us to understand how we can. How we can be prosper, have prosperity in his own kingdom. Und hier erklärt uns, wie wir erfolgreich sind in seinem Königreich. Et ici, il nous explique comment avoir de la prospérité dans son royaume des cieux. The Lord wants us to prosper. Der Herr will, dass wir Erfolg haben. L'Éternel veut qu'on puisse avoir, qu'on puisse être les gens prospères. There's no lack in heaven. Es gibt keinen Mangel im Himmel. Parce qu'il n'y a pas de manque dans le royaume des cieux. There is no poverty in heaven. Es gibt keine Armut im Himmel. Il n'y a pas de pauvreté dans le royaume des cieux. Because poverty is a curse. There is no curse in heaven. Weil Armut ein Fluch ist und es gibt keine Flüche im Himmel. Parce que la pauvreté, pauvreté, c'est une malédiction. Il n'y a pas de malédiction dans le royaume des cieux. Amen. Amen. He said that according to all that is written therein, for then it's when you obey me, obey my voice, then thou shalt make your way prosperous. And then thou shalt have good sources. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He wants, he demands your total submission. Er fordert eine vollkommene Hingabe, denn dann wirst du erst gelingen haben auf deinen Wegen. Il dit à verset 8, agir selon tout ce qu'il a écrit, selon tout. C'est car alors tu prospéreras dans la vie, dans tes voies, et tu réussiras. He wants you to submit to him fully. Er möchte, dass du dich ihm vollkommen hingibst. Donc il veut que tu puisses vraiment te soumettre. He said you cannot serve God and mammon. Du kannst nicht Gott und den Mammon dienen. Parce que tu ne peux pas servir l'Éternel et le Mammon. You cannot be of him and be of the of the flesh. Du kannst nicht zum Fleisch gehören und zu Christus gehören. Tu peux pas appartenir à l'Éternel et être le charnel. Back to James 1, please. Jakobus 1. On va lire Jacques 1. Verse 22 again. Jacques 1, verset 22. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. A lot, you know, they listen, but they never obey. Viele hören zu, aber sie befolgen nicht, setzen es nicht in die Tat um. Donc, il nous dit, il nous recommande ici de le mettre ce qu'on a écouté en pratique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent seulement et ne le mettent jamais en pratique. And once you are telling them, you are correcting them, they will say they know no. Why don't you do what you know? Und wenn du sie dann belehrst, sagst du, ja, sie wissen es, aber wieso tust du nicht das, was du weißt? Et quand tu les corriges, ils vont te dire, ben oui, je connais la Bible, je connais, mais pourquoi tu ne fais pas ce que tu connais? If you know, whereas we are correcting you and you are saying you know, no, no, why don't you obey what you know? Wenn du, während wir dich belehren, du sagst, dass du die Belehrung schon kennst und weißt, was das Richtige ist, weshalb tust du denn das Richtige nicht? Et quand on te corrige, tu dis que, mais moi je sais, je connais la vérité, je connais la parole, mais pourquoi tu n'agis pas selon ta connaissance, vu que tu connais la parole? Verse 23, please. 23. Verset 23. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in the glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetting what manner of man he was. But whosoever looketh into the perfect law of liberty, and continued therein, he be not a forgetful hearer, but a doer. You can see this verse 25, very important. 25, c'est richtig. Verset 25, c'est vraiment important. Amen. But a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. How to be blessed in the kingdom of heaven? Wie gesegnet sind Königreich des Himmels? Ist nach diesem Vers. Et ce verset 25 qui nous montre comment vraiment être vivre en bonheur dans la oui dans le royaume des cieux. Amen. Amen. But whosoever looketh into the perfect law of liberty, he's talking about the truth. What Christ called the truth. Was Jesus Christus schon die Wahrheit nennt. Celui au contraire, donc verset 25, celui au contraire qui fixe son regard sur la loi parfaite à la loi de liberté, ici il s'agit de la vérité. Thank you, sir. And as you are hearing it, während du es hörst, et quand et qui les tient attachés à continue to hear it. Quand tu continues à I'm not being a forgetful hearer. Bist kein vergesslicher Hörer. Pas pour oublier. But also be a doer of the message you are hearing. Mm. You have been hearing and you continue to hear. Du bist ein Täter der Botschaft, die du gehört hast und weiterhören wirst. Aussitôt mais pratiquant ce qu'il a entendu. He said, "This man shall be blessed in his deeds." Amen. Praise the Lord. Amen. Dieser wird gesegnet sein. Et il dit que trouvera son bonheur en l'accomplissant. In seinem tun. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm. Paying your tithes in this church, paying your offering, does not make you a son of God. Mm. Dein Zehnten abgeben der Gemeinde oder in die Gemeinde geben. Bedeutet nicht, dass du dich hingibst, bedeutet nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Juste parce que tu donnes tes offrandes ou bien tu fais les actions de grâce à l'église, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui se soumet à la parole de Dieu, à l'Éternel. Amen. He wants you to submit your body to him first. Er möchte, dass du erstmal deinen Körper ihm übergibst. Il veut que tu puisses d'abord te soumettre ton corps à lui. Choose him first. Wähle ihn zuerst. Tu dois d'abord lui suivre. In everything. In allem. Dans tout. Amen. Amen. Because in 1 Corinthians 13 he said, if you even give your body to be burned, it profits you nothing. Denn in 1. Korinther 13 steht, selbst wenn du deinen Körper hergibst und verbrannt wird, dann bringt es dir nichts. Parce que 1 Corinthiens il a dit que même si tu donnes ton corps pour que ça puisse être brûlé, ça te sert à rien. Because of your evil motive. Wegen deinen bösartigen Motiven. À cause de tes motives mauvaises. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Your motive, you know, you pick and choose what you desire to do. Dein Motiv, du entscheidest, was du tust und was du nicht tust. Donc, tes motives, c'est toi qui es en train de décider et de trier ce que tu vas faire ou ce que tu vas pas faire. Your motive of doing things is more important than whatever you are doing. Das Motiv deines Tuns ist wichtiger als das, was du tust. Donc, le motif laquelle tu es en train de faire des histoires, c'est même plus important de ce que tu fais. James 4 talks about motive. Jakobus 4 geht es um Motive. Jacques 4, là, il parle d'une motive. If you read the 1 to 3 and then 3 to 5 also, amen. 1 bis 3 und 3 bis 5. 3 jusqu'à 5. Amen. You might even be saved in your spirit. Bist du vielleicht errettet in deinem Geist? Peut-être tu es né de nouveau tu es sauvé dans ton esprit. But if your soul is full of yourself. Aber wenn deine Seele voll von dir selbst ist. Mais si ton âme est plein de toi, de toi-même. Your motive of everything is full of yourself. Ist dein Motiv voll von dir selbst? Ça signifie que ton motif, tes motifs seront toujours plein de toi-même. You know that very place talked about submission fully. To Christ Jesus. Let's go there. Hingabe, vollkommen Hingabe. On va le lire ensemble, Jacques 4. Jakobus 4. James 4, please. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Let's read from 1. Jakobus 4, 1. Jacques 4, verset 1. He said, from whence come wars and fighting among you? Come they not hence, even of your lust, that war in your members? Verse 2. Verset 2. You lust and have not. You kill and desire to have, and cannot obtain. You fight and war. Yet you have not, because you ask not. Verse 3. You ask and receive not because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. It's all about you. Donc, il s'agit toujours de toi. Then he now called you, you know, he said, adulterers. He said, ye adulterers and adulteresses, know ye not. You know, what the Lord called fornication is when you leave him. Was der Herr Ehebruch nennt, wenn du ihn verlässt. Et ici, verset 4, il parle de l'adultère. Et puis, il nous, on comprend que c'est que l'Éternel appelle le la fornication, c'est quand toi tu te sépares de lui. That's what he calls fornication. Das nennt er Ehebruch. C'est ça la fornication. Or even adultery. Amen. Ou adultère. Because until you leave him, you cannot do what man calls fornication. Wenn du ihn verlässt, dann wirst du auch anfangen Unzucht zu begehen. Parce que c'est quand tu te sépares de l'Éternel, c'est comme ça là que tu vas aussi qu'on faire c'est l'adultère selon l'être humain. He sees the inside. More than the outside. Parce que lui, il voit toujours l'intérieur, donc il est en train de valoriser l'intérieur plus que l'extérieur. The inside is always him. Das Innere ist immer er. L'intérieur, c'est toujours le Christ. What man cannot see. Was der Mensch nicht sehen kann. C'est que l'être humain ne peut pas voir. Amen. Amen. In verse 4, it says, you adulterer and adulteresses, know you not that the friendship of this world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. If you are a friend of the natural family, you are enemy of God. Wenn du natürlich mit Familie bist, bist du ein Feind Gottes. Ici, il nous fait voir aussi que si tu es un ami à ce monde ou bien à ta famille charnelle, toi tu es là, tu es un ennemi de Dieu. If what you see is the blood of man and not the blood of Christ, you are enemy of God. Das Blut von Menschen ist nicht das Blut von Christus, bist du ein Feind Gottes. Si tu es seulement toujours en train de considérer le sang de l'être humain au lieu du sang du Christ, là tu es ennemi de Dieu. Amen. Mm-hmm. If what you consider is that, you know, this man was good to you before. This man, you know, like Moses and the Pharaoh. Pharaoh was good to Moses. Wie bei Mose und der Pharao, der Pharao war gut zu Mose. Und wenn du das erachtest, die Gutmütigkeit der Menschen erachtest, si toi tu continues toujours à voir comment l'être humain est toujours bien avec toi. On voit par exemple Moïse et Pharaon. Tu vas voir que le Pharaon il était toujours bien envers Moïse. The good of this world will take you away from Christ. Das Gute dieser Welt wird dich von Christus wegnehmen. Mais le bien de ce monde va toujours t'arracher du Christ. Because what this world called good is evil before Christ Jesus. Denn das, was diese Welt gut nennt, ist bösartig vor Christus Jesus. Parce que ce que le monde appelle bien, c'est toujours mauvais envers l'Éternel. You know what they call good? To be there for your wife, to be there for your husband, to be there for your children, to be there for the whole family. You know, it's not, but it's not. It has nothing to do with Christ. It's all about the natural blood. It's evil before Christ Jesus. Was sie gut nennen, da zu sein für die natürliche Familie, für das natürliche Blut, das ist alles Feindschaft gegen Gott. Donc quand ils disent que tu dois être bien, tu es bien envers ton mari, ta femme, tes parents, là tu vas être que c'est leur définition de bien, c'est pas la même définition de l'Éternel. C'est they sing your praise and not the Lord's praise. Sie feiern dich und nicht den Herrn. Donc ils veulent toujours te glorifier ou bien glorifier la chair, mais ils veulent pas glorifier l'Éternel. They are calling you good and not Christ Jesus good. Sie nennen dich gut, aber nicht Christus Jesus. Ils disent que toi tu es une bonne personne, mais pas Jésus Christ. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 5, it says, Do you think that the scripture said in vain, the spirit that dwelleth in us lusteth to envy, but he giveth more grace? Wherefore he said, God resists the proud, but giveth grace unto the humble. Verse 7. Submit yourself therefore to God. Surrender everything to God. Unterwerft euch Gott, gibt euch Gott alles. Verse 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira. Donc on doit vraiment soumettre tout à Dieu. And that's how you can resist the devil. So kannst du dem Teufel widerstehen. Et c'est comme ça que tu résistes le diable. That's how you can stop Satan from, you know, going from one way or the other to come into your life. So kannst du den Satan davon abhalten, in dein Leben zu kommen. Et c'est comme ça que tu vas stopper le diable à faire des œuvres dans ta vie. Because whatever you refuse to submit to Christ, it means those things you are submitting them to Satan. Denn was immer du dich Christus hingibst, übergibst du dem Satan. Parce que tout ce que tu ne soumets pas à l'Éternel, là tu le soumets au diable automatiquement. It means you are having Satan's property. Das heißt, du hast den Besitz des Satans. Ça signifie que tu as les biens du diable. The natural family, those you refuse to surrender to Christ. Die natürliche Familie, die du nicht dem Herrn übergeben willst. La famille naturelle que tu n'as pas soumis à l'Éternel. You know, it means you are submitting them to Satan. Das heißt, du übergibst sie dem Satan. Ça signifie que tu es en train de les soumettre au diable. Praise the Lord. Hallelujah. Submit yourself therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Et c'est parce que là, tu dois te soumettre à l'Éternel. C'est comme ça que le diable va s'enfuir. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us prove ourselves, please. Wir müssen uns selbst prüfen. Et on doit s'examiner nous-mêmes. Prove yourself. Wir müssen uns prüfen. Examine ta vie. Check yourself. Und selbst untersuchen. Examine ta vie. Are you submitted? Have you surrendered everything to him? Hast du ihm alles übergeben? Est-ce que tu as tout soumis à l'Éternel? Is he everything in your life? Ist er alles für dich? Il est tout dans ta vie. Amen. Again, James 4 said, submit fully to Christ Jesus. Jakobus 4 steht, übergebe dich vollkommen Christus Jesus. Jacques 4 nous dit qu'on doit vraiment soumettre tout dans notre vie concernant nous. On doit le soumettre à l'Éternel Jésus-Christ. Amen. Amen. Then also to verse 10, if you read it to verse 10, talk about humility. Geht es um Demut? Et verset 10, il parle de l'humilité. And also motive. Und das Motiv. De s'humilier et de nos motifs. Amen. Amen. You need money for yourself. Geld. And not for Christ's sake. Und nicht wegen Christus Jesus. Quand tu as par exemple besoin de l'argent pour toi-même et pas pour les œuvres de l'Éternel. And those you want to help, are they choosing Christ? Und die, denen du helfen willst, wählen diese Menschen Christus Jesus? Et ceux qui ces personnes-là que tu veux aider, est-ce qu'ils sont là pour l'Éternel? Ils choisissent l'Éternel. It's not only you choosing Christ. Are they choosing Christ? Nicht nur du wählst Christus, sondern wählen diese Menschen Christus. Pas seulement si toi tu es en train de choisir Jésus-Christ, mais est-ce que ces gens-là aussi choisissent l'Éternel? Marcus 10. Mark 10, please. Mark 10. Amen. Amen. And let us see what Jesus said concerning this man. Wir sehen, was Jesus über diesen Mann sagt. On va voir ce que Jésus-Christ dit concernant cet homme. Mark 10. Markus 10. Mark 10. We all know that Jesus surrendered everything to his Father. Wir alle wissen, dass Jesus alles seinem Vater übergeben hat. Nous tous on sait que l'Éternel a soumis tout à son Père. And he always chose his Father. Und er wählt immer wieder seinen Vater. Et Jésus, lui, il a toujours choisi son Père. And if you read here, you see that this man, you know, it's not Jesus' part alone. This man was chose. Here the Lord was, he wanted, he always wants you to choose him. You know, for him to be there for you, you must choose him. Und es war nicht nur der Ball lag nicht nur auf der Seite von Jesus, sondern auch bei der Seite von dem Mann, dass er sich auch für Jesus Christus entscheiden muss, damit er ihm helfen kann. Donc c'est pas seulement l'Éternel qui doit te choisir, mais toi, tu dois choisir l'Éternel, donc pour que l'Éternel puisse t'aider. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 21 of Mark 10, please. 21, Markus 10. Mark 10, verset 21. Then Jesus, beholding him, loved him. And said unto him, one thing thou lackest. Go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven. And come, take up your cross and follow me. You must choose me. Jesus was there to help this man. He was there for this man. But he wants, you know, whoever you are there to help, that person, you must also watch that. Make sure that person is choosing Christ before you are there for him. Wie auch immer du helfen willst, I hope you understand what happened. Du musst dennoch sicher gehen, dass dieser Mensch sich auch für Christus Jesus entscheidet, bevor du ihm helfen kannst, bevor du für ihn da sein kannst. Jésus-Christ dit à ce garçon, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres, et tu auras aussi un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Donc, avec Jésus-Christ, pour qu'il puisse t'aider, c'est toi qui dois le choisir. Et c'est pour cela, les gens que tu es en train d'aider, est-ce qu'eux aussi, ils choisissent Jésus-Christ? Parce qu'on choisit, on aide seulement les gens qui choisissent l'Éternel. You can see that this man refused to choose Christ. Kann sehen, dass dieser Mann sich geweigert hat, Christus zu wählen. Et on peut voir que cet homme ici, il a refusé de choisir Jésus-Christ. Verse 22, please. 22. And he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possessions. But Jesus did not even call him back. Jesus hat ihn nicht zurückgerufen. Donc il était vraiment triste, il est parti, mais Jésus-Christ ne lui a pas appelé. Amen. Amen. He is telling us we should not be there for those that refuse to choose Christ. Er sagt uns ganz klar, wir sollen nicht da sein für die Leute, die sich nicht für Christus entscheiden wollen. Il nous dit qu'on ne doit pas être là pour les gens qui ne veulent pas choisir Jésus-Christ. We are owing them love. Wir schulden ihnen Liebe. On les doit l'amour. And that love is Christ Jesus. Und diese Liebe ist Christus Jesus. Et cet amour, c'est Jésus-Christ. And that's why we still pray for them. Deswegen beten wir noch für sie. Et c'est pour cela qu'on prie pour eux. Because they refuse to listen to us, we pray that the Lord send laborers to the harvest to speak to them also. Weil sie uns nicht zuhören, beten wir dafür, dass der Herr Arbeiter schickt, damit diese Arbeiter zu ihnen predigen und sie den Arbeitern zuhören. Vu que eux ne veulent pas nous écouter, et c'est pour cela qu'on prie à l'Éternel qui l'Éternel puisse les envoyer des travailleurs. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In the kingdom of Christ Jesus, things never work for you, for man, but for Christ Jesus alone. Im Königreich von Jesus Christus funktionieren die Dinge nicht für dich oder für Menschen, sondern für Christus Jesus allein. Donc dans le royaume des cieux, les choses ne fonctionnent pas, ne marchent jamais pour toi, mais pour Jésus-Christ ou bien pour autre personne. Ça marche seulement pour le Christ, Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. It does not work for man. Amen. Für Menschen. Donc ça ne marche pas pour l'être humain. Everything works for Christ's sake. Alles funktioniert für Christus Jesus und Christus Jesus willen. Toutes les choses marchent pour le bien de Jésus-Christ. Donc, oui. Amen. You can even still see it in Mark 10. C'est bien Marc 10. Et on le voit ici à Marc 10. Jesus said for my sake and the gospel's sake. Jesus sagt um meinetwillen und des Evangeliums willen. Donc il dit que si quelqu'un le fait pour moi, pour l'évangile. Amen. Because in verse 28, Peter said we left all. And Peter began to say unto him, Lord, we have left all and have followed thee. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man who can say that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or even wife, or children, or lands for my sake and the gospel, that he shall receive 100-fold now in this time. Houses and brethren, you can see everything, you know, for his sake. Donc ici, tu vois que il a dit quand Pierre lui a dit que on a tout laissé derrière nous et Jésus-Christ a dit à verset 29, il a dit que donc il y a une récompense pour tout le monde qui me choisit à cause de moi et à cause de l'évangile. And here he's telling us, you are not living there because you hate it. You are not living there for destruction. You are living there for salvation. Weil steht, dass du sie nicht zurücklässt, damit sie zerstört werden, und du lässt sie zurück für Rettung. Donc l'Éternel nous dit que si tu es en train de laisser à cause de moi, donc pas pour la destruction, mais à cause de l'Évangile. Amen. C'est le salut. People separate for one thing or the other. Leute trennen sich wegen unterschiedlichen Gründen. Les gens se séparent à cause des motifs différents. They are under Satan. Aber es ist unter dem Schirm des Satan. Mais c'est ça, quand tu les laisses à cause d'autres. Autre motif, c'est être sous le diable. But when once you come to Christ, separation for Christ's sake is true victory. Aber wenn es um Christus geht, ist die Trennung bedeutet die Trennung Sieg für Christus. Mais par contre, quand il y a une séparation à cause de Jésus-Christ, ça signifie qu'il s'agit de la victoire, il s'agit de ton salut. Amen. If you look at Abraham's separation from Lot, amen. It was not for destruction, but for salvation. Von Abraham und Lot anschauen, war es nicht zur Zerstörung, sondern zur Errettung. Si par exemple on voit la séparation de Lot et Abraham, on voit que c'était pas pour la destruction, c'était pour le salut. Praise the Lord. Hallelujah. Also, we are also in Deuteronomy 8 from 17 to 19. Wir waren noch bei 5. Mose 8. On est aussi à Deuteronomy 8. Praise the Lord. Hallelujah. Deuteronomy 5. Mose 8. Praise the Lord. Hallelujah. From 17 to 19. 17 bis 19. 17 à 19. He said, and thou say in your heart, my power and the might of my hand have gotten me this way. But thou shalt remember the Lord your God, for it is he that giveth thee power to get wealth. Praise the Lord. Hallelujah. We should be grateful for working for Christ Jesus. Wir sollten dankbar dafür sein, dass wir für Christus Jesus arbeiten. On doit remercier l'Éternel parce qu'on a un peu travaillé pour l'Éternel. Amen. Amen. Whatever job we are doing, we are working for him and not for man. Was immer wir machen, wir arbeiten für Menschen, nicht für Menschen, sondern für Christus. N'importe quel travail on est en train de faire, on travaille pour Christ, pas pour l'être humain. He said he is the very person, you know, he is the God that gave us the power to do that job. Er ist der Gott, der uns die Kraft gegeben hat, dieses Werk zu verrichten, diese Arbeit zu tun. C'est lui qui nous a, il nous dit c'est à verset 19, c'est lui qui nous a donné la puissance de faire ce travail à travers lui. Amen. Amen. You know, because of him. Wegen ihm. À cause de lui. He said that he may establish his covenant. It's all about him. Es geht nur um ihn, um sein Bündnis aufrechtzuerhalten. Uh-huh. Et il a dit qu'il le fait ça pour le servir de oui, pour lui en fait. Son alliance. Pour son alliance, voilà. Praise the Lord. Hallelujah. Here he's also talking about us. Hier geht es auch um uns. Et ici il parle aussi de nous. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Your motive is very important once it comes to Christ Jesus. Dein Motiv ist sehr wichtig, wenn es um Christus Jesus geht. Quand il s'agit de Jésus-Christ, notre motif c'est vraiment important. Amen. Amen. And himself also, for him to do anything for you, he sees your motive. Auch wenn er für dich arbeitet, er sieht dein Motiv. Et aussi quand lui il fait quelque chose pour toi, il le fait seulement en accord à ton propre motif. Il doit d'abord voir ton motif. Amen. Amen. Then in Mark 10 again, he talks a lot about our motive there. Markus 10 geht ja oft über unser Motiv. Et Mark 10, il parle aussi de notre motif. Amen. Mm-hmm. For his kingdom's sake, for his gospel's sake. Für sein Königreich, für motive. Sein Evangelium. Mm-hmm. Donc pour son royaume, pour son évangile. Amen. Why are you desiring what you are desiring? Wieso wünschst du dir das, was du dir wünschst? Pourquoi tu désires ce que tu es en train de désirer? Is it to promote Christ or to promote yourself? Ist es, um Christus zu verherrlichen oder um dich selbst zu verherrlichen? Tu le fais pour te vanter toi-même ou bien pour voir l'Éternel, pour soutenir l'Éternel? Is it to be there for Christ or for to be there for yourself? Um für Christus da zu sein oder um für dich selbst da zu sein? Tu le fais pour être là pour toi-même, pour faire voir aux gens que tu as réussi, ou bien tu le fais pour être là pour Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Also, total submission to Christ Jesus. Auch vollkommene Hingabe Jesus Christus gegenüber. Ou aussi pour la soumission totale envers Jésus-Christ. It's not about fasting and prayer. Da geht es nicht um das Fasten und das Beten. Là, il s'agit pas aussi de jeûne de prière. Again, your motive. Dein Motiv nochmal. Donc encore une fois, il s'agit de ton motif. Amen. Amen. Anytime you see somebody or see somebody fasting, see that looking for something. Or he's pursuing something or something is pursuing him. Ja, wenn du jemanden siehst, it's all about them. Geht es immer um den Menschen selbst, weil er hinter etwas her ist oder etwas hinter ihm her ist. Et même si quand tu vois quelqu'un qui est en train de faire une jeûne de prière, toujours la personne est en train de chercher quelque chose ou bien quelque chose est en train de le chercher. Allow the sacrifice of Christ Jesus to be enough for you. Lass zu, dass das Opfer von Jesus Christus genug ist für dich. Permet au sacrifice du Christ que ça puisse être suffisant dans ta vie. And on Sunday we talked about three people that can see your motive. Und am Sonntag haben wir auch über die drei Personen gesprochen, die dein Motiv sehen können. Et on a aussi parlé de trois personnes qui sont capables d'avoir ton motif. You, Satan, and Christ Jesus. Du, Satan und Christus Jesus. Donc toi-même tu peux voir ton motif, le diable et l'Éternel. Because motive is always on the inside. Das Motiv ist immer im Inneren. Parce que le motif est toujours l'intérieur. Whatever you are saying from your mouth can be something else, different from what is inside. Du kannst deinem Mund etwas anderes bekennen. Parce que tu peux dire dans ta bouche, tu peux déclarer quelque chose qui est autrement que ce qui est dans ton cœur. Amen. You learn to allow your motive, all your motive to be Christ Jesus. Du lernst, dass dein Motiv, dein vollkommenes Motiv, Christus Jesus allein ist. Tu dois apprendre que ton motif soit seulement le Christ lui-même. Amen. Amen. Also in Matthew 2, we were there on Sunday. Auch Matthäus 2, wir waren am Sonntag da. Matthieu 2 aussi, on a lu ça aussi dimanche. To see somebody, you know, say something with his mouth and his motive was different. Jemand, der mit seinem Mund etwas bekannt hat, aber sein Motiv war ein anderes. On a vu, il y a l'exemple d'une personne qui a déclaré avec sa bouche quelque chose autre qui était, mais dans ton cœur, il était let's go there, en train de penser le contraire. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 2. Matthäus 2. Matthieu 2. We'll go straight to verse 8. And he sent them to Bethlehem and said, go and search diligently for the young child. And when ye have found him, bring me word again, that I may come. You can see what he called his own motive. Mm-hmm. Mm-hmm. What he said his motive was, that he may come and watch this child. Ja, Herodes hat gesagt, dass sein Motiv ist, dass er das Kind auch anbeten möchte. Quand on lit Matthieu 2, verset 8, on voit que Hérode est en train de dire chercher cet enfant à Bethléem pour que je puisse aussi l'adorer. But this man knew in his heart that his motive was not to worship Jesus. Aber dieser Mann wusste in seinem Herzen, dass das wahrhaftige Motiv nicht war, Jesus Christus zu dienen. Mais Hérode savait que dans son cœur que son motif c'était pas d'aller adorer cet enfant. The Lord knows your motive of whatever you are doing. Egal von was du tust. Tout comme l'Éternel, lui, il connaît le motif de tout ce que tu es en train de faire. Verset 13, please. 13. Verset 13. And when they were departed, the three wise men, amen, after seeing Jesus and they departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, arise and take the young child and his mother and flee into Egypt and be thou there until I bring thee word. For Herod, can see Herod true motive. Das wahrhaftige Motiv. See the young child to destroy him. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Donc on voit ici verset 13 que Dieu est en train de parler à Joseph et lui dit que protège l'enfant parce que Herod, lui, il cherche à tuer cet enfant. Malgré Herod lui-même, il a dit qu'il veut adorer cet enfant. Tu vois que deux motifs différents. Praise the Lord. Hallelujah. Total submission is all about believing Christ Jesus alone. In der vollkommenen Hingabe geht es darum, Jesus Christus allein zu glauben. Dans la soumission totale, il s'agit de croire seulement, donc de se soumettre seulement à Jésus Christ. Remember him alone. Erinnere dich an ihn allein. Rappelle-toi que de Jésus Christ. See him alone. Schau auf ihn allein. Vois que Jésus Christ. Depend on him alone. Verlass dich auf ihn allein. Donc dépend seulement de lui. Let everything be him alone. Lass tout, dass alles er ist allein. Laisse que tout soit pour lui et par lui. Amen. Amen. Fasting to get anything from God is an evil motive. Fasten, um irgendwas vom Herrn zu bekommen, ist ein bösartiges Motiv. Quand tu fais des jeûnes de prière pour avoir, recevoir quelque chose de Dieu. C'est mauvais. If you are truly saved, you already have everything through Christ Jesus. Wenn du wirklich errettet bist, hast du schon alles durch Christus Jesus. Parce que si tu es réellement né de nouveau, tu as déjà tout ce que tu as besoin en Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. In Mark 5, he told Jairus, only believe. In Markus 5 hat er zu Jairus gesagt, glaube einfach nur. Mark 5, il a dit à Jairus de croire seulement. Amen. Christ Jesus is not telling us to do what he did not do. Christus Jesus sagt uns nicht etwas zu tun, was er selbst nicht getan hat. Jésus Christ ne recommande pas de faire quelque chose que lui-même il n'a pas fait. He submitted to his Father totally. Er hat seinem Vater vollkommen hingegeben. Donc il s'est soumis à son Père totalement. Amen. Amen. John 17:18. Jean 17:18. Amen. Said as his father sent him, so also he sent us. So wie sein Vater ihn geschickt hat, so schickt er auch uns. Il a dit comme son père nous a envoyé, c'est comme ça que lui aussi il nous envoie. You know, just as he submitted to his father fully, so also we should submit to him fully. So wie er sich seinem Vater vollkommen hingegeben hat, so sollen wir uns auch ihm vollkommen hingeben. Tout comme lui, il s'est soumis à son père, c'est comme ça qu'on doit se soumettre à lui. Amen. Amen. Also John 20:21. Auch Johannes 20:21. Jean 20:22. Just as his father sent him, so also he sent us. So wie sein Vater ihn gesandt hat, so schickt er auch uns. Tout comme son père nous a envoyé, c'est comme ça qu'il nous envoie aussi. Just as he submitted everything to his father, so also he wants us to submit everything to him. So wie er alles seinem Vater übergeben hat, so will er auch, dass wir ihm alles übergeben. Tout comme lui, il a soumis tout à son père, c'est comme ça qu'il veut qu'on puisse soumettre. Lui soumettre tout. It was all about his father. Es ging immer nur um seinen Vater. Il s'agissait toujours for de son him. Père. Für ihn. Pour lui. And that's why he was able to make it. Deswegen war er lage, es zu packen. Et c'était comme c'est pour cela il était capable de réussir. And that's why if it is not all about Christ Jesus for us, we cannot make it. Wenn es uns nicht nur um Christus Jesus, Jesus geht, dann werden wir es nicht schaffen. Et c'est pour cela, s'il ne s'agit pas seulement de Jésus Christ en tout, on n'est pas capable, oui, à réussir. And Christ Jesus is just telling us to submit to his father. Und Christus hier sagt uns nicht, dass wir uns seinem Vater hingeben sollen. Et Jésus-Christ nous dit pas qu'on doit se soumettre à son père. He said we should submit to him. Wir sollen uns ihm hingeben, Christus. Et il nous dit, mais il nous recommande de se soumettre à lui-même. Because no one can submit to his father. Denn niemand without him. Kann sich seinem Vater hingeben ohne Jesus Christus. Parce que personne ne peut se soumettre à Dieu sans se soumettre d'abord au Christ. In John 14 verse 6, he said, I am the way to my father. Und Johannes sagte, ich bin der Weg. À Jean, il a dit que c'est moi le chemin de, amen, vers mon, amen, père. His father never see man. Sein Vater sieht nicht den Menschen, sondern Jesus Christus alleine. Son père n'a jamais vu l'être humain, mais il voit toujours Jésus-Christ. Amen. Amen. We also in Matthew 10 verse 40. If we go there, let us quickly go there. Matthew 10 verse 40. Matthäus 10 vers 40. On va lire Matthieu 10 verset 40. He said, "He that receive you, receive me." And he that received me, received him that sent me. Mm-hmm. Are you getting it? He did not say, "He that received you, received my Father." I don't know if somebody's getting it. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Er hat nicht gesagt, wer euch aufnimmt, nimmt den Vater auf. Donc il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc il n'a pas dit que celui qui me reçoit, reçoit mon Père. Donc, oui. You see that? He that received you, received me. He did not say receive his own father. He said receive him. Und er nimmt mich auf, Jesus Christus auf. Donc il dit que la personne qui te reçoit, reçoit le Christ. Donc lui reçoit. Il n'a pas dit que si tu, qui te reçoit, reçoit mon père. Non. And until somebody receives him, Christ Jesus, he cannot receive his father. Und wenn jemand nicht Christus Jesus empfängt, kann er nicht seinen Vater empfangen. Et si tu n'as pas reçu le Christ lui-même, tu n'es pas capable de recevoir son père. Amen. Jesus never tell us to go to his father. Jesus hat nie gesagt, dass wir zum Vater gehen sollen. Jésus-Christ nous a jamais envoyé de partir chez lui. Come unto me, Matthew 11. Er sagt, kommt her zu mir, Matthäus 11. Il dit que venez à moi. Amen. Religion, they're after his father. Religion ist hinter dem Vater her. Mais la religion est toujours derrière le Père. They are wasting their time. Sie verschwenden ihre Zeit. Ils sont toujours en train de perdre leur temps. Because looking for the Father without Christ Jesus, you are looking for Satan. Denn nach dem Vater zu suchen ohne Christus Jesus, dann suchst du nach dem Satan. Parce que quand tu es en train de chercher l'Éternel sans Jésus-Christ, là tu es en train de chercher le diable. Amen. They will all go to hell because without Christ Jesus, there is nothing like heaven. Denn sie werden alle in die Hölle gehen, denn ohne Christus Jesus gibt es keinen Weg. Er ist der Weg. Donc si tu cherches Dieu sans Jésus-Christ, tu vas partir en enfer parce que c'est seulement Jésus-Christ qui est le chemin. No man can satisfy his father. Denn niemand kann seinen Vater zufriedenstellen. Car il n'y a personne qui peut satisfaire. It is only Christ Jesus alone that satisfies his father. Nur Christus Jesus. Isaiah 53. Stellt den Vater zufrieden. C'est seulement Jésus-Christ lui-même qui est capable de satisfaire son père. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. If you go to his, let's go there, please. You can see how he satisfies his father. Ihr seht, wie sein Vater zufriedengestellt hat. Et là, tu peux voir comment satisfaire son père. Praise the Lord. Hallelujah. You know, religion is all about God, God, God. It's all about Father, Father, Father. Tu vois comment il satisfait son père. In religion geht's immer nur um den Vater und Gott, Gott, Gott. Dans la religion, il s'agit toujours du Père et de Dieu. Amen. Amen. In heaven, the kingdom of heaven is all about Christ Jesus. Aber im Königreich des Himmels geht es nur um Christus Jesus. Mais dans le royaume des cieux, il s'agit que de Jésus-Christ. The only way is Christ Jesus. Der einzige Weg ist Christus Jesus. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Isaiah 53, please. Isaiah 53. Isaïe 53. Because of time, verse 11. Isaiah 53, vers 11. Isaïe 53, verset 11. Amen. Amen. He said, he shall see of his travail, of the travail of his soul, and shall be satisfied. He was, you know, his father was satisfied with his with the travail of his soul. Sein Vater war zufrieden mit der mit der Bezahlung, mit der Bestrafung, die auf seinem Sohn lag. À cause de la souffrance de son âme, il verra à se rassasier et se rassasiera. Donc, son père sera vraiment, oui, il va voir la souffrance et il sera satisfait. Amen. Avec la souffrance de son fils. In verse 10, it said, yet it pleased the Lord to bruise him. He pleased him to bruise him for because of you and me. In Vers 10 steht, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Es gefiel ihm zu zerschlagen für dich und mich, um den Preis zu bezahlen. Verset 10, il dit que il a plu à Yahweh de le briser par la souffrance à cause de toi et moi. Without Christ Jesus, God can never be satisfied. Ohne Christus Jesus kann Gott niemals zufriedengestellt werden. Sans Jésus-Christ, Dieu ne peut pas être satisfait. No one can satisfy the only true God. Niemand kann den allein wahrhaftigen Gott zufriedenstellen. Il y a personne qui peut satisfaire le seul vrai bon Dieu. We need somebody to help us to satisfy. Wir brauchen jemanden, der das tut. On a besoin d'une personne qui peut le faire. And that person is the only Christ Jesus. Und diese Person ist Christus Jesus. Et cette personne c'est Jésus Christ. And that's why I said, come unto me, all you that labor. Deswegen sagt er, kommt her zu mir, all die ihr mühselig beladen seid. Et c'est pour cela il dit que venez vers moi, vous qui êtes fatigué. He never tells you to go to his father. Er sagt nicht, komm, geh zum Vater. Il ne dit pas, venez vers, partez vers le Père. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. He's not even telling you to go to the Holy Spirit. Er sagt noch nicht mal, geh zum Heiligen Geist. Il ne dit pas, partez vers le Saint-Esprit. He said, come unto me. Kommt zu mir. Il dit que venez vers it moi. Is when you come to me, then the Holy Spirit is there for you. Weil wenn ihr zu mir kommt, zu Jesus kommt, dann kann der Heilige Geist auf euch da sein. C'est parce que quand vous partez vers le Christ, c'est là que le Saint-Esprit est capable d'être là pour vous. The Holy Spirit can only do things through because of Christ. Und der Heilige Geist kann Dinge nur tun wegen Christus Jesus. Amen. Et l'Éternel, le Saint-Esprit peut seulement faire marcher, travailler pour vous si vous partez vers Jésus-Christ. Jesus Christ is not only the way to the true God. It's only the only way to the Holy Spirit. Jesus ist nicht nur der Weg zum wahrhaftigen Gott, sondern auch der Weg zum einzigen Heiligen Geist. L'Éternel n'est pas seulement le chemin. Jésus-Christ, il n'est pas seulement le chemin normal. Jesus Christ ist nicht nur der Weg zum wahrhaftigen Gott, sondern auch der Weg zum Heiligen Geist. Jésus Christ n'est pas seulement le seul chemin vers le Père, mais il est aussi le seul chemin vers le Saint-Esprit.